des gènes. Je vais écorcher d'aine et prendre l'or des chaînes. Je suis un tireur d'élite, dealer de rimes. Pas de groupe, pas d'essaye d'écorcher le ciel. Je veux des plaques et chalets à Chamonix. La mitraillette vous salue au bord d'agonie. Ah, c'est le retour de la momie. Je te fourre jusqu'à vomir. J'écris des lignes et des lignes aspergées d'alcool. Comment oserais-tu alléger le pactole? Tombé dans un trou, abrégé la tôle. Continue à lécher le bad boy. Y'a plus rien à gratter à part les murs culons. Victime, jamais tu pourras skier la phalange. Victime, fini par trahir ton propre clan. Victime, t'es pas un bonhomme, toi t'es une grosse balance. On veut le joyau à Benicio del Toro. Là où ça préfère s'acheter un flingue, entretenir les pectoraux. Tu veux savoir ce qu'il y a dans ma tête, bolos, hein? Pour quelques euros, on peut t'arracher ta belle polo. Arrache ton corpusseau. On vient pas jouer de la cornemuse. Exhibile torse au bord d'un ruisseau. Ça c'est une journée sombre au tas. Un fond de coca, du whisky et la technique de Zamprota. Pose le fer ou shoot-moi cette grosse de mer. De toute façon y'en aura pour celui qui ose le faire. Je me fous que tu sois victime ou tortionnaire. Demain t'auras le droit au fait divers si tu boxes le maire. On dormira peut-être pas la soie. Vu que partout c'est la même et qu'on pète pas dans la soie. J'donnerai tout, tout pour mon clan de vieux loup. J'glisse des clous rouillés dans un grand velours. Je la remplis pas trop une fois. La goutte d'espoir qui se boit dans l'alcool pratiquement tous les soirs. J'ai la victoire du dérisoire, j'suis le gitané, c'est traquenard. J'la vois qui dit n'y va pas, j'la vois qui dit qu'il va pas. Sur le point qui te bite qu'il va pas. J'la vois sous tes raids, j'la vois qui te coûte tes raids. J'la vois du 77ème sous-sol qui coûte tes raids. J'la vois des frères qui se prennent en main la voix des oubliés. J'la vois des frères qui se perdent en chemin la loi du gros billet. J'la vois d'une génération sacrifiée. Chez nous on appelle ça une pénétration planifiée. J'suis le haut-parleur des Ola, j'rappe comme box de la Oya. J'suis la voix qui émane de ta gova, l'ennemi glisse comme un boa. J'suis la voix sans issue, l'acharnée dans ce pal des Raman. J'suis la voix taille, j'suis la voix de Moussa, la voix d'Abdelrahman. J'suis la voix d'un ravisseur prêt à tout cas plus limite à chaud. Dès que j'utilise l'assaut, j'suis la voix d'un fusil d'assaut.